الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نوصي بك على عز وجل قد اتصف في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفات Al-Ulya, que Allah Azzawajal s'est déjà décrit dans son livre et à travers la langue de son messager par les plus beaux attributs, les plus grands attributs. Wa min hadhi sifa allati taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala sifat al-mahabba. On a parmi les attributs d'Allah Azzawajal, comme cela lui fit et lui convient, la sifat de l'amour, que Allah Azzawajal, il aime. كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Que Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص. Et que Allah il aime ceux qui luttent sur son sentier en étant en rang bien aligné. Et dans maintes versets et dans maintes hadith. Et tout comme il y a des choses qu'Allah Azzawajal aime, et dans ce qu'il aime, il y a des choses qu'il préfère. Comme dans les NBA par exemple. Comme a dit Ta'ala, « Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd » Voici les messagers, et nous en avons préféré certains d'autres. Comme a dit Ta'ala, « Faddalna ba'dal nabiyin ala ba'd » Nous avons préféré certains prophètes à d'autres. Et même dans le Coran, il y a des sourates qui sont meilleures que d'autres. Masan al-Fatiha, c'est la meilleure des versets, comme il y a sourate Ayat al-Kursi, Masalan, wa akaza. Et tout comme il y a des mawasim, des périodes que Allah préfère à d'autres. Et entre autres, les jours dans lesquels nous sommes rentrés aujourd'hui, qui sont Al-Ashr min Zil-Hijjah. Les 10 jours de Zil-Hijjah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فكرروا ذلك حتى قال إلى رجل خرج بمالي ونفسه ولم يجب ذلك بشيء il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il n'y a pas de jour lors desquels les œuvres pieuses sont plus aimées. Là, le shahid, c'est que Allah Azzawajal, il aime les actes encore plus à quel moment lors de ces 10 jours. Lors de ces 10 jours. Et ces 10 jours, dans le Coran, sont cités selon un ta'wil, ou un tafsir plutôt, qu'Allah Azzawajal, « Wa al-fajr, wa layalin ashr, wa al-shafr al-watr, wa al-layli iza yasr, al-fi zalika kasum lizi hijr » Surat al-fajr, dans le Coran, Allah, il jure, il dit par l'aube et par les 10 nuits. Et par les 10 nuits. Et des ulama, du tafsir, entre autres Ibn Abbas, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, qui était parmi les plus grands connaisseurs du tafsir du Coran, disait que ce verset-là concernait également, même si dans le Coran elle a dit les 10 nuits, c'est également les 10 jours de Zil-Hijjah. D'où l'importance de comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba. Car c'est vrai qu'en apparent, on voit les 10 nuits. Donc, on va penser à quoi en premier lieu ? Au Awashir min Ramadan. Et donc c'est un col des ulama, et d'autres disent, et c'est également les 10 jours de Zil-Hijjah. Même s'il dit les nuits, c'est valable pour cela. Et souvent les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur alors ? Est-ce que ce sont les 10 nuits de Ramadan, dernière nuit de Ramadan, ou les 10 de Zil-Hijjah qui sont les meilleurs ? Et là, les ulama, ils ont répondu qu'en fait, Ramadan sont la nuit, et Zil-Hijjah c'est le jour. Les 10 de Ramadan sont les meilleurs, car on y trouve Laylat al-Qadr, cette nuit qui vaut plus de 1000 mois d'adoration. Mais dans les 10 jours de Zil-Hijjah, on y trouve quoi ? Arafat. Arafat, ce jour lors de lequel on jeûne, que Allah Azzawajal pardonne les fautes passées. Donc ils ont chacun leur fadl, un dans la journée et l'autre dans la nuit. Et les œuvres que Allah Azzawajal préfère de base, ce sont les actes obligatoires. كما قال الله عز وجل في حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه Salam alaikum. Il dit que Allah Azza wa Jal n'a pas que le serviteur ne s'est pas approché auprès d'Allah plus que parce que Allah Azza wa Jal aime comme acte, qui sont les actes obligatoires. Donc les actes qu'Allah Azza wa Jal préfère, ce sont les obligations. Ce sont les choses les plus importantes à faire. Donc en ces jours-ci, celui qui déjà, de base, alhamdoulillah, est multazim par les actes wajibat, alors qu'on dise qu'il accentue encore plus dessus. Et qu'il rajoute également ce qu'il peut comme acte méritoire parmi les choses surrogatoires. D'accord, celui qui était un peu négligent, qui était un peu laxiste ou qui n'avait pas trop le temps, lors de ces 10 jours-là, qu'il s'investisse un peu plus, car ce sont les jours où Allah Azawajal préfère tout tas que tu vas faire, il va le préférer. Il y aura plus de ajr lors de ces 10 jours que dans n'importe quel autre jour. Tout comme il y a des actes comme la salawat, elles ont plus de ajr à Mecca et El Medina qu'ailleurs. Donc c'est pour ça que tu vois les gens quand ils vont à Mecca, ils font encore plus de salawat. Quand ils vont à Medina, ils font encore plus de salawat qu'ils en font en dehors. Et bien là c'est pareil, pendant ces 10 jours-là, il t'est recommandé, fortement recommandé, de faire autant d'actes possibles, car ceci, biznillah ta'ala, te rapportera encore plus de récompenses. Et tout acte salih en dedans, que ce soit des salats surrogatoires, que ce soit le siyam, tu veux faire le siyam si le Nabi Salam n'a pas jeûné pendant ces jours-là, le siyam rentre dans l'amal salih. Donc si tu veux jeûner, tu peux jeûner, sadaqat, tu fais des sadaqat, il y a du Qur'an, t'en lis plus, d'accord ? Et du zikr, faire beaucoup de askar. Tu évoques le nom d'Allah Azza wa Jal, tu fais les askar, principalement ceux du matin, ceux de fin de journée, et autres, les askar mutlaqa, donc, que tu feras contre l'envie. Et bien sûr, il y aura bientôt ce jour qui va venir, où il y aura le sacrifice, qui est un acte arzim. Donc c'est un rappel pour nous de profiter et de ne pas se laisser de ne pas devenir inattentif parce qu'il y a autour de nous comme Dunia et comme Inchiral de la valeur de ces 10 jours-là. Car en réalité, on ne le ressent même pas. On ne le ressent pas, mais il faut qu'on se le rappelle pour se dire que ces jours-ci, c'est une occasion de pouvoir faire beaucoup de khayr pour soi-même. Non. Donc là, biznillah ta'ala, on va poursuivre dans notre lecture. Bon, vu qu'on a fait une petite mukaddima, je vais vous épargner de la révision, je ne vais pas vous interroger. Voyez, pour pas trop s'attarder. Et on va poursuivre directement dans les ahadith. Donc aujourd'hui, on va prendre... La dernière fois, on a pris quoi comme hadith ? On avait pris le hadith... On avait pris le troisième et quatrième, si je ne me trompe pas. On avait pris l'interdiction de l'exagération du rouleau. Ouais, c'était troisième. Et quatrième, c'était l'interdiction de construire des lieux d'adoration sur les tombes. Yaqul al-an tahrim al-sihr. L'interdiction de la sorcellerie. L'interdiction de la sorcellerie. Afouen, avant cela, le hadith khamis, il est sauté. Tahrim al-zabh li-ghaylillah takarruban wa ta'ziman. L'interdiction de dégorger pour autre que Allah Azza wa Jal, dans le but de se rapprocher d'autre que lui. Car le sacrifice est une grande adoration, et toute adoration qui est vouée pour autre que Allah Azza wa Jal, cela est du shirk. Donc lorsqu'on égorge, c'est pour Allah Azza wa Jal. Comme a dit Ta'ala, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Dit, certes ma salat est Nusuk, là, ce qui est dans le verset, ce qui est voulu, c'est par là, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes sans associé. Donc le sacrifice, c'est un acte d'adoration qui est azim, qui est, on va dire, financier, donc tu dépenses ton argent, et qui également corporel, c'est-à-dire que tu as des actes particuliers à faire quand tu égorges d'une certaine façon. Et ensuite, pour que cette viande puisse être halal et être comestible de façon légiférée pour les musulmans. Yaqul an Ali radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu man la'ana walidayhi ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. صلوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah a maudit celui qui aura maudit ses parents. Que Allah a maudit, ça peut être le sens que Allah a maudit ou également le sens d'invocation que Allah maudisse. Les deux sont valables. Que Allah a maudit celui qui a égorgé pour que Allah. C'est ça la partie qui nous concerne du hadith. Et que Allah a maudit celui qui aura abrité un criminel ou également un innovateur. Comme cela va être expliqué. Et que Allah a maudit celui qui aura changé les indications de la terre, du sol. Donc le rapporteur du hadith, c'est Ali. Qui connaît la kunya de Ali? C'est quoi sa kunya? Abu Man? C'est Abu? Comment il s'appelle son fils? Ou l'un de ses fils? Ils sont connus. Hein? C'est pas les jumeaux. C'est deux frères, un âge rapproché, mais c'est pas les jumeaux. C'est qui l'autre? C'est l'autre. Sa kunya, c'est l'autre, le plus grand des deux. Hussein, ouais, l'autre. T'es proche. T'as une lettre à enlever et des halakats à changer. Disons, c'est la même base, c'est la même racine. El-Hassan. Hassan. Donc sa kunya, c'est Abul Hassan. Et lui-même était le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Car il était le fils de Abu Talib. Abu Talib était l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il était parmi les Khulafa Rashidun al-Mahdiyoun, parmi les quatre califes. Le premier c'était Abu Bakr, après c'était Omar, après c'était Othman, et après c'était lui. Donc il est le quatrième, il vient en quatrième position, comme meilleur homme sur la surface de la terre, après l'ennemi et les prophètes. Le meilleur c'était Abu Bakr, après c'était Omar, après c'était Othman, et après c'était lui. Et il a été marié à la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. D'accord ? Fatima, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est le grand-père de Al-Hassan ou Al-Hussein. Tabarin. Il était connu pour être une personne très courageuse. Ali, c'était un vaillant. Depuis son jeune âge. D'accord ? C'était un vaillant. Il était très physionomique. Et il était très éveillé. Car lui, il a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était encore un enfant. Quand il a cru en le Nabi sallallahu alayhi wa c'était encore un enfant. Il était pas pubère. Et il a été tué par les Khawarij. D'accord ? Donc il est mort shahid. Il est mort martyr. Radiallahu anhu. Et nous, les gens de la sunna, on lui apporte l'amour légiféré. On n'exagère pas dans sa personne comme l'ont fait les Shia. Qui l'ont élevé à un niveau plus haut que le sien. Ils ont fait du rouleau. La dernière fois, on a pris le Ders. La mise en garde contre le roulou, l'exagération des personnes. Et les chiites, eux, ont exagéré dans la personne de Ali. Et surtout les Rafidah, quand ils sont arrivés à dire qu'il est une divinité. Et ainsi de suite. Et ils ont même, certains ont été parmi. On sont arrivés à dire que Jibril s'est trompé et que c'est Ali qui devait avoir la prophétie. Et pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais ils sont arrivés à ce stade-là. Et certains, à son époque, l'ont dit tu es Allah. Et là, Ali les a attrapés et les a brûlés, vifs. Ça, il n'avait pas le droit de le faire, c'était une erreur de sa part. Mais il ne connaissait pas le hadith, l'interdiction de brûler vif. Malgré tout, ces hommes-là méritaient d'être châtiés pour ce qu'ils avaient dit, car ils l'ont mis au stade de divinité à cause du roulou qu'ils avaient en lui. Mais bien sûr, les Rafidhah ne sont pas plus de Ali que les chrétiens ne sont de Issa. D'accord ? Car Ali, en réalité, est un sunni qui était sur la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il n'aurait pas accepté ce que ces gens-là disent de lui et l'amour qu'ils prétendent lui vouer, qui est non légiféré, exagéré. Donc pour revenir au hadith, qu'ulna la'ana Allah, que Allah a maudit celui qui aura maudit ses parents. Wal-la'an, ça veut dire également as-sab, l'insulte, le fait d'insulter quelqu'un. Et shar'an, ça a le sens de al-ib'ad an rahmatillah, que tu es éloigné de la rahma d'Allah azawajal. Donc c'est une menace sévère. c'est parmi les toutes choses qui amènent à une la'na dans un hadith comme menace, c'est-à-dire c'est un grand péché. C'est-à-dire c'est un grand péché. Donc là, que Allah Azzawajal a maudit celui qui va maudire ses parents ou insulter ses parents. Car la'na, ça a également le sens d'insulter. Et certains ont dit, dans une version de hadith, وَمَنْ لَعْنَا وَلَدَيْهِ Qui c'est qui va maudire ses parents? Il a dit, يَسُوبْ الرَّجُولْ أَبَا الرَّجُولْ فَيَسُوبْ أَبَاهُ Que tu verras un homme insulter le père de quelqu'un et ce quelqu'un va lui répondre en insultant son propre père à lui. Donc en fait, en insultant les parents des autres, tu auras provoqué que d'autres insultent tes parents, donc tu rentres dans le hadith. Il veut dire, j'ai pas insulté mes parents, mais t'as insulté le père d'un tel. Et un tel a insulté ton père par ta cause, car toi tu as commencé à insulter son père. D'accord? Donc ça c'est très important. Et aujourd'hui, ça y va, malheureusement, les insultes sur les parents, insulter la mère, insulter le père, insulter la grand-mère, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très très grave. D'accord? C'est une chose qui est très très grave. Donc cela amène à être maudit. Et il a dit, لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْلِ اللَّهِ Que Allah a maudit celui qui va égorger pour que Allah. Et la dernière fois, on a parlé du hadith de ces deux hommes, un qui est rentré au paradis et l'autre qui était au feu pour avoir égorgé quoi? Sacrifié quoi plutôt? Pas égorgé, c'était un sacrifice et une mouche. Donc en réalité, on ne regarde pas qu'est-ce que tu as sacrifié, mais on regarde ta niya. Pourquoi tu as sacrifié? On expliquait que tu sois un chameau, que ce soit un éléphant, ou que ce soit une mouche, ça ne changera pas d'Allah Azzawajal. Innama al-amal bin niyat. Tu as fait un acte qui est le fait de sacrifier pour que Allah Azzawajal, on ne regarde pas ce qui a été sacrifié, on regarde l'intention que tu as eu en faisant ce sacrifice, de qui as-tu voulu te rapprocher. Et ça va te coûter de sortir de l'islam, car le zabh, c'est du shirk akbar directement. Il n'y a pas de tafsil. Il n'y a pas de shirk asrar dans le zabh. Quand tu sacrifies, c'est directement shirk akbar. Et ça t'amène à être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, man awa muhditha, celui qui aura abrité un muhdis. Al-ihdath, c'est al-jara'im, le fait d'avoir fait un crime. Tu es quelqu'un qui a commis un crime, par exemple, et qui mérite une sentence. Et quelqu'un t'abrite et te cache. Et bien tu es sous la menace de la lanana. Par exemple, un homme a tué quelqu'un. Donc, quand on tue en islam, il y a le talion. D'accord ? Soit tu exécutes peine de mort pour ceux que tu as tués, ou alors les héritiers de la victime te pardonnent et tu leur donnes le prix du sang. Toi, tu as tué quelqu'un volontairement, une vie qui était interdite, tu t'es sauvé et quelqu'un t'a abrité chez lui pour te protéger. Et bien lui, ce qui t'a protégé, il est maudit par ce hadith. Et également, les ulémas disent, le muhdis, c'est également celui qui est ardafa fi din, qui a apporté une chose nouvelle en religion. Donc l'innovateur. Donc tu n'as pas le droit de couvrir et d'abriter un innovateur. Sans quoi tu rentres également sous la menace. Et l'innovateur, dans beaucoup de cas, peut se voir pire que le criminel. Car le criminel, il a fait un acte, il sait que c'est mauvais. Alors que l'innovateur, il change la religion, donc il ment sur Allah et son messager, et il pense qu'en faisant cela, il s'approche d'Allah. Donc c'est pire encore. Car la bid'a est plus aimé auprès de Shaitan que les péchés. Après, ce n'est pas dans l'absolu. On ne va pas dire que chaque bid'a est pire que chaque péché. Non, on dit que la nature de la bid'a en soi, l'innovation, est pire que la nature du péché. À un moment, tu as dit qu'on va faire des péchés, on va dire que si on fait, c'est pire que certains qu'on fait une bid'a. Tu vois. Après, il y a bid'a. Il y a des bid'a qui sont moufastiquants, qui te rendent pervers, et des bid'a qui sont moukafiolos, qui te rendent mécréants également. Et il a dit, لَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَّارَ الْأَرْضِ Que Allah a maudit celui qui va changer les indications de la terre. Ça rentre dans deux cas. Ça rentre dans indication, tout ce qui t'indique, qui te dirige sur terre. Un panneau qui t'amène, telle ville est à droite, telle ville est à gauche, telle ville est au nord, telle ville est au sud, ainsi de suite. Car en changeant cela, tu perds les gens. Là ici, vous connaissez votre quartier, vous n'allez pas vous perdre. Mais demain, tu pars en voyage. Surtout à l'époque des anciens, il n'y a pas de panneau en soi. Quand ils voyageaient, c'était avec les étoiles, avec des indices, et des fois, il y avait un panneau. Et quelqu'un qui venait à changer ce panneau, pouvait t'emmener à ta perte. T'es dans le désert, dans une terre aride où il n'y a rien, tu vas aller à un endroit. Comme avant, par exemple, ils faisaient le Hajj. Quand ils faisaient le Hajj, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de ce qu'il y avait maintenant. Ils partaient sur leur monture, depuis leur pays, des mois à l'avance pour arriver pour le Hajj. Imagine-toi, quelqu'un, il vient, il change une indication, au lieu d'arriver à Mecca, t'arrives en Europe. Et avant d'arriver en Europe, bah, tu peux mourir. Car le chemin n'est pas ce que tu as prévu. Et tu ne le connais pas, tu te perds. Et il peut y avoir des bêtes sauvages, il peut y avoir des brigands, il peut y avoir plein de choses. D'accord? Bon, aujourd'hui, il y a GPS, il y a Waze, il y a Google Maps, tout ça. Bon. Mais tu as des endroits, il n'y a pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de net. Par exemple, au Yémen, tu as des endroits, il n'y a pas de net. Tu allais quelque part, c'est une route. Tu te perds, tu tombes dans les montagnes, tu tombes dans le désert. Et s'il n'y a personne avec toi, Allah yaftah alayk, c'est fini. Il y a des pays comme ça, il y a encore des endroits où c'est la faune, c'est sauvage, il y a la forêt, il y a la jungle, il n'y a pas de net. T'as pas de carte, t'as pas de ribra, et t'as peut-être des panneaux, des indications. Quelqu'un vient, il échange. Et t'as mal à ta perte. Et autre explication, c'est les gens qui ont des parcelles de terre, des terrains. Quelqu'un vient, il change. Par exemple, il a tant de mètres carrés qui lui appartiennent, ou tant d'hectares, et un voisin, il vient, il se rajoute à lui, il te prend de ta part. Eh bien, il rentre dans sa hadith également. Car il s'accapare un mec qui n'est pas à lui. Et il trompe. Donc il change. Des fois, t'as des gens qui mettent des indications pour dire de là, et là, c'est mon terrain, c'est à moi. Il met un bâton, il met un truc, tu vois. Quelqu'un vient, le change. D'accord? Et bien, cette personne-là rentre dans ce hadith. Donc il dit, Sharh al-Ijma'li, explication générale. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم تسبب لعنة الله والطرد من رحمته. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a mis en garde sa communauté contre quatre choses, quatre crimes, quatre faits qui leur causent d'être maudits par Allah Azawajal et qui sont exclus de sa rahma. الأولى من سبب والديه أو تسبب عليهما باللعن بسببه الآباء والآباء الآخرين فيردون عليه. Donc le premier, c'est celui qui insulte ses parents, qui les maudit. Comment ? M'expliquer comment il fait ? En insultant ceux des autres. Donc ça fait que l'autre te répond en insultant ton père, ou ta mère, ainsi de suite. Donc tu aurais été la cause pour que tes parents aient insulté. Et t'as celui qui insulte directement ses parents. Ah, c'est le pire, ça. Il y a des gens, ils insultent leur mère directement, ou leur père. D'accord ? Ça, c'est la pire des formes qui soit. Mais la plus fréquente, c'est que tu insultes tes parents des autres. Ça revient à tes propres parents. Et donc tu auras causé cela et cela te met sur la langue d'Allah Azzawajal. Donc attention aux langues dans la colère. Ça va très très vite. الثانية من تقرب إلى غير الله بالذبح لأن الذبح عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله. Le deuxième c'est, et c'est celui-là qu'on voit dans le hadith, c'est celui qui aura égorgé pour ce cœur Allah Azzawajal, car l'égorgement, le sacrifice, c'est une chose qui se fait que, qui est une adoration, et la tenue pour ce cœur Allah Azzawajal, cela est du shirk akbar, comme des gens qui le font par exemple, qui ramènent un animal égorgé près d'une tombe, près de Wali Intel, pour se rapprocher de lui, pour obtenir quelque chose. Ça, c'est du Cheikh Akbar. Et là, on est dans les hadiths, la vingtaine de hadiths qui parlent de Tawhid et de l'Aqidah. Donc, égorgé pour que Allah, ou dire plutôt sacrifié pour que Allah, azawajal, c'est du Cheikh Akbar, qui te sort de la Ummah. Al-Thalitha, man mana'a mustahiqan il-had, ou il-qasas, min ikamat il-had alayhi, ou radhiya bil-bid'a, wa nasar ahlaha. Et le troisième, c'est celui qui aura abrité une personne qui mérite de subir une sentence religieuse. Ou alors celui qui aura agréé une innovation, ou qui aura secouru un innovateur. فهو في حكم الغصب أو غص ولا خصب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه. Et le quatrième, c'est celui qui aura changé les indications de la terre et autres par laquelle un terrain est défini pour soit il veut se rajouter de la terre qui n'est pas à lui ou soit quelqu'un vient et lui retire sa terre à lui. Et également, on expliquait les indications qui t'indiquent le chemin à suivre sur terre. فوائد الحديث تحريم الذبح لغير الله تقربا وتعظيما أنه شرك ملعون فاعله. L'interdiction d'égorger pour Allah Azawajal pour se rapprocher d'autre que lui, car cela est du shirk et celui qui fait cela est maudit. ثانيا الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. Que le sacrifice est une adoration qui doit être voué que Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, tahlim la'n wali al-walidain wa sabbihima mubasharatan au tasabouban, l'interdiction de maudire les parents ou de les insulter en le faisant directement ou en causant que cela arrive, provoquant que cela arrive. Rabi'an, anna munasarat al-mujrimin wa himayatihim wa himayatahum min iqamat al-had shar'i alayhim min al-kaba'ir al-jaribah lil-la'na. Celui qui sauve, qui secourt un criminel ou qui le protège et qui l'empêche de subir une sentence, cela est parmi les grands péchés qui amènent à la malédiction. Et ça, c'est valable également pour les gens qui se disent avocats aujourd'hui, mais tu es l'avocat de la défense, qui va défendre un criminel. Il rentre dedans, lui. Ta main, même. Il défend quelqu'un qui mérite d'être jugé par la charia et d'avoir une sentence. Toi, tu viens, tu es payé pour lui faire esquiver sa peine ou minimiser sa peine. Tu es maudit directement. Donc, avocat n'est pas interdit dans l'absolu. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, en fait. Car des fois, tu as besoin de gens pour te défendre dans des situations où t'es lésé. Et l'avocat, il vient, il t'explique les lois, par exemple, dans un pays. Tu connais rien, il va t'arriver quelque chose. Ils te disent, pour que tu puisses être défendu correctement, prends un avocat. D'accord ? Maintenant, il ne faut pas que ça amène des mukhalaf, des transgressions. Ah, maintenant, si l'avocat vient, il te défend d'un mal que tu as vraiment commis ou quoi, ça, il n'a pas le droit. Ça, il n'a pas le droit. Khamisan tahrim ar-ridha bil bid'a wa munasarat ahliha. L'interdiction d'agréer les innovations et de secourir ces gens. Salisan tahrim tasarruf fi hudud al-ard bi taqdim wa ta'khirha. L'interdiction de changer les indications au sol en rajoutant ou en réduisant. Sabi'an jawaz la'n ashab al-ma'asi ala sabil al-umum, et qu'il est permis de maudire les gens des péchés de façon générale et pas de façon désignée. Par exemple, des gens ont volé, tu vas dire la'natullah ala sariqin wa surraq, qu'Allah maudit ces voleurs. Demain, quelqu'un y vole, tu vas pas dire la'natullah alayk. Il y a un khilaf, mais en réalité, le mieux, c'est de ne pas le dire. Ne maudis pas une personne en particulier, même un kafir, car tu ne sais pas quel est son devenir. Il se peut que Allah Azzawajal finisse par le guider. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà invoqué contre des gens, et Allah Azzawajal, pour cela, l'a repris. Et ces gens-là ont été guidés par la suite, ils sont venus les musulmans parmi les meilleurs qui soient. Comme encore le Ta'ala, laissa laka min al-amr shay'un. Allah, il a dit que la chose ne te revient pas à toi. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fait une salat, et en se rendant du recours, il avait maudit des gens, en les nommant. Et de là, Allah Azzawajal a fait descendre le verset dans lequel il a repris par rapport à ça. Sixième hadith, tahrim al-sihr. L'interdiction du sihr. Alors le sihr, il faut savoir une chose, la sorcellerie, c'est un détail qu'il faut toujours donner, préciser, qu'il y a deux formes de sihr, sorcellerie. Il y a al-haqiqi, la sorcellerie qui est réelle, qui se fait par le biais d'actes de shirk. Tu te sers des shayatines, ce qui s'en sert, et les shayatines ne seront à ton service que si tu commets du shirk. Entre autres, tu vas égorger pour ce que Allah va dire, égorge un mouton, égorge une poule, fais ceci, fais cela. Tu vas faire du shirk. Obligé. Et il y a plein de façons, tu vois. Mais entre autres, il y a celle-ci. Ou alors tu vas faire des actes blasphématoires. Par exemple, tu en as qui écrivent le Coran avec du sang des monstrues. Ou qui urinent sur le Mushaf. Tu es obligé de faire un acte de kouf pour faire du shirk. C'est obligatoire. C'est inévitable. Donc, tu vois que les sorciers, entre autres du fait qu'il prétend connaître l'avenir, chose qui n'est pas vraie. Et tu as le sihr, ce qu'on appelle fictif, tahyili. D'accord ? Comme le font certains qu'ils appellent magiciens, qui font des spectacles. Ils font des tours de passe-passe, en fait. Ils vont croire des choses, ce sont des, qu'on appelle ça, illusionnistes. Ils vont croire une chose qui n'est pas réelle, en fait. Et ça, c'est pas, ça ne rentre pas dans le couffre, car lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est habile de ses mains. Il fait diversion par quelque chose et hop, il te fait disparaître, je sais pas moi, un éléphant, d'après lui. Il te coupe en deux, dans une boîte, d'accord ? Il sort un lapin d'un chapeau, il te fait disparaître une pièce derrière ton oreille. Vous savez comment ils font ? Ça, ça rentre pas dans le premier. Mais c'est quand même grave, parce qu'il fait comme s'il ressemblait au premier. Il te fait croire que j'ai fait disparaître quelque chose. Donc il ressemble au sahir. Mais celui qui fait cela, ou a commis des... Bien sûr, un péché, c'est pas permis de faire cela, mais c'est pas du kufr. Ou tu en as d'autres, ils ont du sihr qu'ils font avec des herbes ou autres qui te font croire que tu as fait des choses que tu n'as pas faites. En fait, tu hallucines. Comme il a dit Allah dans le Coran à propos des sorciers de Pharaon, وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, et qu'ils ont ensorcelé les yeux des gens pour leur faire croire que ils avaient des serpents. Et après Moussa alayhi salam, Allah lui a dit de poser son bâton, et que son bâton est devenu un vrai serpent qui a mangé sur les sorciers. Et quand les sorciers ont vu ça, ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Parce que nous, on connaît la sorcellerie. Ça, c'est du vrai, ça. Et là, ils ont cru. Car c'était leur domaine. Ils étaient experts dans leur domaine. Ils ont vu ça, c'est pas possible. Vous voyez, donc Allah a donné à Moussa ce miracle que son bâton soit devenu serpent qui a mangé les serpents des sorciers pour leur montrer sa supériorité et qu'il n'a fait cela que parce qu'Allah lui a accordé. Et ainsi de suite. Donc, il y a le sihr qui est haqiqi, il y a le sihr qui est réel, fictif. Et celui qui est concerné par le hadith là, c'est le haqiqi. Celui par lequel tu fais du kufr pour en arriver à tes objectifs. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, « Qala ijtanabu as-sab' al-mubiqat, qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, qala ash-shirku billah, wa sihr, wa qatl al-nafs allati haramallahu illa bilhaq, wa akl al-riba, wa akl mal al-yatim, wa tawaliyu mazahf, wa qazhu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. » Muttafaqun alayhi. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, évitez, éloignez-vous des sept péchés cruciaux, destructeurs. Et certains traduisent par capitaux. Ils ont dit, quels sont-ils au messager d'Allah? Il l'a dit, en premier, le shirk, billah, car le shirk est le pire des péchés. Après, il a dit, le sihr. Et en vrai, le sihr rentre dans le shirk. Sauf que le shirk est plus général. Ce n'est pas tout mouchrik qui est un sorcier. Mais tout sorcier est forcément mouchrik. Tout sorcier est forcément mouchrik. Il a dit, et le fait, le meurtre illégitime d'une vie protégée. Hormis dans le droit religieux. Consommer de l'usure, le riba. Manger les biens de l'orphelin. Et battre en retraite le jour de l'affrontement, lors des combats. Et il a dit le fait d'accuser, de diffamer, de calomnier les croyantes chastes et innocentes. Donc ces sept-là sont des péchés destructeurs. Et parmi eux, les deux premiers sont du kufr, le shirk et le sihr. Les autres, non. D'accord ? Les autres, non. Ce sont parmi les grands péchés. Sauf si la personne est en halal. Là, c'est autre chose. Raoui, le rapporteur, c'est Abu Huraira. Abu Huraira, vous ne le connaissez que par sa cognée, Abu Huraira. Ça veut dire quoi, Huraira? Huraira, ça veut dire quoi? Qui c'est? Huraira, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Abu Huraira. Mais Huraira, ça veut dire quoi? Oui. C'est un petit chat. D'accord. La vraie raison de son nom n'a pas été donnée, mais ça va rapport. Je crois qu'il avait un chat qu'il avait nourri ou qu'il avait un chat avec lui. Il y avait un lien par rapport au chat, mais après, ce que j'avais lu, ce n'était pas authentifié. Ensuite, Abu Huraira, il n'est connu que par sa kunya. Pourtant, il a un prénom. Et parmi tous les noms qui ont été trouvés par les savants, le plus authentique, c'est qu'il s'appelait Abdurrahman. Mais il était connu par sa kunya. Et qu'il n'a accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que pendant 4 ans. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne meurt, il n'a vécu avec lui que 4 ans, et pourtant, il est le plus grand rapporteur de hadith de tous les sahaba réunis. D'accord ? Il a rapporté, comme le dit l'auteur, plus de 5874 hadiths. C'est le plus grand rapporteur de hadith, le plus grand mémorisateur de hadith parmi tous les sahaba. Et pourtant, il n'a connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans-là, il ne l'a pas laissé. Il était tout le temps avec lui. Au point de dire qu'il a dit que les muhajiroun étaient occupés par les marchés et faire du commerce. Les ansars étaient occupés par leur terrain à cultiver, il a dit, moi, j'étais avec le Nabi Sassalem tout le temps. À tel point que, comme il n'y avait pas de cause concrète vraiment pour pouvoir avoir son risque, à part à la Balaim qui est une cause, c'est-à-dire qu'il avait moins d'argent que les autres. Au point que des fois, tellement il avait faim, il s'écroulait par terre. Les gens croyaient qu'il avait il a quelque chose, il avait du roquet, il dit, j'avais rien du tout, juste j'avais faim. C'est la faim qui m'écroulait par terre. Et pourquoi il a souffert autant? Pour le ilm. Et par la suite, il était gratifié du fait qu'il était le plus grand porteur des Sahaba réunis. Mais il s'est sacrifié pour la science. Et pourtant, malgré qu'il n'ait pas fait les causes comme d'autres, il est devenu par la suite un gouverneur. D'accord? Allah l'a élevé en degré, et même la dunya, elle a été ouverte par la suite. Donc, talab al-ilm, d'accord, c'est une cause pour avoir de l'esque. Après, ce n'est pas une cause qui va être apparente comme d'autres, où tu as un salaire à la fin du mois, mais ça va venir au fur et à mesure. Et le risque, c'est toute chose par laquelle tu profites en ce bas monde. Et le ilm en fait partie. Le risque, ce n'est pas seulement de l'argent. D'accord? C'est pas que l'argent, la santé c'est de risque, avoir un enfant c'est de risque, avoir l'intelligence c'est de risque, avoir la clairvoyance c'est de risque, avoir même une certaine condition physique c'est de risque, et avoir du ilm, c'est peut-être même le meilleur risque qui soit, parce que c'est le risque qui va te permettre de pouvoir obtenir l'au-delà. Ta santé, tout le monde va l'avoir la santé, mais le ilm, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Tu vois? La santé, elle va t'aider à aller au Jannah si tu t'en sers dans le bien, sans quoi elle peut être contre toi. La bonne santé, les grands sportifs là qui utilisent leur corps à tout va et qui se... La santé leur sert à rien. Au contraire, ce sera contre eux pour dire « Ah là, t'as rendu fort, ainsi de suite, t'as fait quoi avec tout ton corps et ta santé et ce corps qui ne t'appartient pas ?» Le corps qu'on a, il n'est pas à nous. Il appartient à Allah Azawajal. T'as fait quoi avec ? T'as tapé des gens, t'étais combattant de MMA, t'étais un footballeur, t'étais un tennisman, toute ta vie, t'as fait que ça. T'as gagné plein d'argent. T'étais la cause que des gens ont été éblouis par toi. Ça t'a même ton adoré. T'as fait quoi pour la religion? T'as rien fait. Ton corps ne t'a servi à rien, à part à te détruire, religieusement parlant. Regardez bien, je le dis souvent aux gens, parce que je sais que le foot, c'est la fitna des jeunes aujourd'hui. Le football. Un footballeur, c'est le sport peut-être aujourd'hui le plus populaire qui soit. Le footballeur est un sport qui ne sert à rien. Un footballeur, contrairement à d'autres sports qui peuvent être utiles dans ta vie de tous les jours. Footballeur, il dribble, il met un ballon dans le but. Demain, enlève-le du football. Il sert à quoi? Enlève-le du terrain, et enlève-le la lucarne et le goal. Il sert à quoi dans son sport? Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il sert? Son football sert à quoi dans sa vie de tous les jours? À rien. Par exemple, un coureur, il court. Il a de l'endurance et tout. Parce que son sport, c'est courir en soi. Footballeur aussi, il a ça. D'accord? Mais c'est quoi le footballeur? Lui, c'est le dribble, c'est le tirer des buts. C'est pas courir en soi. Il va faire l'athlétisme, alors soit un sprinter, soit un coureur de fond, tu vois. Cours directement, laisse le ballon et il va courir. Un nageur, la nage, ça sert de savoir nager. D'accord? Même ce sport qui est haram, mais pourtant qui peut être utile, c'est sport de combat. Dans ta vie, tu peux avoir à te défendre un jour. Ou tu peux avoir à servir la cause. Tu sais te battre. Mais le footballeur, il sert à quoi? Il sert à rien. Concrètement, dans la vie de tous les jours, il sert à rien. Et dans la société de tous les jours, footballeur ne sert à rien. Un éboueur est plus utile qu'un footballeur. L'éboueur, il ramasse, il nettoie les rues. Il fait le niveau le plus bas de la foi. Il met tel hasard net à lire. Il enlève des choses de la rue, de passage. Un éboueur est plus utile qu'un footballeur. Un restaurateur est plus utile qu'un footballeur. Un médecin, un architecte, même un chauffeur de taxi, il amène aux gens à faire quelque chose. Le footballeur ne te sert à rien dans ta vie. Il ne t'apporte rien. À part qu'il te fait oublier Allah pendant une heure et demie. Quand tu joues au football, tu oublies tout. Ne dis pas que tu penses à Allah, c'est pas vrai. Tu es pris par le football quand il va marquer un but, tu cries quand il rate, tu es déçu, tu en as, il pleure, tu en es casse, tu en as. Il te fait oublier Allah. Ne dis pas footballeur, appelle Allah, c'est pas vrai. Même s'il lève les mains après avoir fait un but, arrête. Tes mains, range-les. On ne remercie pas Allah pour avoir fait du haram, ça n'existe pas ça. D'accord? Le footballeur est un homme qui fait plus de mal que de bien. Qu'il le veuille ou non. Il peut avoir de l'argent, faire des sadakas, on dit, t'as sadakas? Elle est peut-être un bien pour certains, mais toi, ton argent que tu utilises là, il ne sert à rien. Tu vois. Demain, tu auras des gens, ils seront venus, ils auront une vie plus modeste qu'un footballeur, ils seront plus élevés que Yom Al-Qiyamah. Le footballeur est devenu une fitna pour les gens, car aujourd'hui, les footballeurs sont pris au modèle par les jeunes, dans les coupes de cheveux, dans la façon de parler, dans les gestuels, dans plein de choses. Ils ne prennent plus le Nabi Sallam comme exemple, ils vont prendre Fulan footballeur, Fulan footballeur, Fulan footballeur. même parmi les musulmans. Demain, à ça, on va dire une parole, ils ne vont même pas l'écouter. Demain, footballeur va dire une parole. Ouais, Allahu Akbar, regarde ce qu'il a dit, c'est trop fort. Oui, mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit là, il a dit, même ton boulanger va te le dire. Mais comme c'est footballeur qui l'a dit, t'es impressionné, il n'a rien dit de spécial, tu vois. T'as des gens, parmi les ulama ou les prédicateurs, ils disent des choses tous les jours, qui servent. Tu les calcules même pas, ces gens-là. Et lui, tu vas l'aimer. Demain, un footballeur, il rentre en islam. On lui souhaite, hein. Il y en a, ils sont musulmans pour de vrai. Mais bon, leur islam, il est bancal. Parce qu'il était vraiment sérieux, là, avec le football, de toute façon. Demain, footballeur, un exemple, l'un des plus connus aujourd'hui, Ronaldo. D'accord, Ronaldo. Je sais pas s'il joue encore, parce qu'il est vieux, non? Bref. Il est en Arabie Saoudite. Tout le monde lui dit, ouais, il va se convertir. Ouais, ouais, si vous voulez, il va se convertir, si Allah le veut. Demain, il se convertit. Les gens vont être trop contents. On dit, pourquoi vous êtes contents? Pourquoi vous êtes contents que Ronaldo se convertit? Dites-moi. C'est quoi la cause de votre contentement? Il va se convertir à l'islam, Ronaldo? Il va faire quoi pour l'islam? Marquer des buts? Ça sert à rien, l'islam. T'as des gens tous les jours qui se convertissent dans leur coin, personne ne les connaît, qui vont apprendre la religion, qui vont faire des choses pour l'islam, dans le halal concrètement, personne ne les calcule. Et lui, c'est un footballeur, demain il retourne l'islam, vous allez faire peut-être ça, vous allez se prosterner de choukr pour remercier Allah Zawajel. Pourquoi? Ronaldo va apporter quoi? On est content pour lui. Mais pour, cette joie vient d'où? Cet amour que vous avez pour lui vient d'où? C'est pas pour l'islam, c'est pour le ballon. Si demain il dit, et on lui souhaite, il fait la shahada, il dit, j'arrête le football. On ne souhaite que ça. Hein. D'accord? Vous allez arrêter de jouer au foot, vous aussi? Vous n'allez pas arrêter de jouer au foot. Et là, Ronaldo, par exemple, il laisse sa barbe, il commence à dire c'est haram. Vous n'allez plus l'aimer, vous allez le délaisser. Tu vois? Les gens vont commencer à le délaisser. Ah, voilà, il vient, viens, après vous aussi, vous êtes tous lâchés. Il va commencer à vous dire ça, c'est haram, je fais toba, j'aurais pas dû faire ça. Vous, les jeunes, arrêtez de faire ça, ne perdez pas votre temps, faites des choses concrètes en religion. C'est bon, il va dire, c'est bon, c'est devenu un extrémiste, c'est bon, arrête. Tu vois? Donc, pourquoi les gens ils vont l'aimer s'il est musulman? Parce que c'est un footballeur, c'est tout. Donc ce n'est pas un amour qui est pour Allah. C'est un amour pour le football. Donc cet amour-là, il ne sert à rien. Tu aimes un homme pour son habileté au ballon. D'accord? Cet amour-là, il vaut quelque chose, il ne vaut rien. Dans ces conditions, on va mettre des gens tellement pourris. Car il y a eu des joueurs peut-être meilleurs que lui avant, et d'autres vont venir plus tard qui seront peut-être meilleurs que lui encore. Donc on va, ces gens-là, on va tous les aimer au fur et à mesure. Tu vois des gens aujourd'hui, leur amour, il est basé là-dessus, sur le ballon. Ils vont aimer un footballeur. Demain, là, je te parle de Ronaldo. Si demain, je me mets à mal parler sur lui, t'en as, ils vont dire, ouais, non, mais t'es dur, je suis dur. On parle d'un kafir, là. Demain, je vais parler sur tel footballeur. Ça va passer le cœur des gens. Je sais, pourquoi ça passe ton cœur que je parle sur un tel? Ça ne va pas passer ton cœur. Je parle d'un kafir. Et même parmi ceux qui sont musulmans, je les reproche qu'ils font comme mal. Ça ne va pas passer le cœur, normalement. Si ça te passe le cœur, c'est qu'il y a un problème. Dans ton annonce et dans ton désaveu, donc dans ta foi et dans ton tawhid. C'est-à-dire que ton amour n'est pas pour Allah. Et ça, il faut qu'on le corrige. Car c'est un mal qui nous touche de façon générale. Et tu le vois à travers ça, à travers les footballeurs, à travers les chanteurs, à travers les influenceurs, à travers les gens, les personnalités médiatiques, tu vois que les gens commencent à s'accrocher à eux. Et quand tu leur amènes quelqu'un qui les appelle à Allah, ils le fuient. Si vraiment on aimait Allah, les gens pour Allah, Azawajal, comme il se doit, ce seraient les savants, les gens les plus aimés au monde. Plus que soit on voit des femmes qui crient, qui tombent dans les pommes pour eux, ou je sais comment ça rentre dans, même dans l'idolâtrie, ça. Tu vois. Va regarder le compte, par exemple, sur les réseaux sociaux, un compte d'un savant sunni, et va regarder le compte d'un footballeur musulman. Regarde qui est-ce qui a le plus de suiveurs. Est-ce que c'est normal? Demain, t'en as, il va mettre inversé seulement sur son compte, sur les réseaux, faire plein de likes, plein de partages. Il dit le verset qui cite là, dans le Coran, que tu ouvres jamais. Le Mossaf, tu le prends, c'est pour Allah, lis là. Le savant t'en donne des dizaines par jour. Même pas tu le calcules. Lui, il vient de dire un verset, on dirait t'as fait... Maintenant, si ce verset-là agit sur toi, tant mieux. Ça t'a fait un rappel, tu t'es redressé, on est content pour toi. Tu vois? Mais lui, ce footballeur en lui-même, est-ce que ce verset-là, il a appliqué, qui t'a mis? S'il l'applique, il arrête le football, il se reprend. S'il a juste mis comme ça pour dire une belle parole de la journée, ça ne sert à rien à lui. Donc, comprenez bien, je vous le redis, le footballeur, il ne sert à rien du tout. Et quand on aura compris ça, on verra que le football, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, des frères, ils jouent au football, faire du sport, se dépenser, il n'y a pas de problème. Mais le football, tel qu'on le voit aujourd'hui, là, tel qu'il se déroule, ça, c'est haram. Les ulama le disent, bien, c'est haram. Comment les koufars jouent, comment nous on joue, comment. Ça, c'est haram, ça, cette façon de faire. Mais l'on jouer entre frères, comme je dis, faire un peu de sport, ça, il n'y a pas de problème, c'est permis de base. Mais on ne joue pas comme eux, ils jouent, et on ne met pas l'engouement qu'ils y mettent, et on ne met pas cet esprit de division comme eux, ils le font. Et encore moins, casser, crier, pleurer, tout ce qui s'ensuit. Ça, il n'y a pas ça en djinn. Si on aurait dû le faire, on aurait fait pour les gens qui sont meilleurs qu'eux. On ne le fait pas. Pour Mohammed, on ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Se maquiller et ce genre de choses. On va le faire pour eux. Et un jour, vous allez voir. Vous allez dire, le jour où les gens vont ouvrir les yeux, vont dire, c'est pendant toute ma vie, j'étais dans le football. Aujourd'hui, il se repent. Il se met droit. Il dit, j'ai perdu des heures, des jours, des années pour une chose aujourd'hui qui ne me sert à rien. Aujourd'hui, il va prendre le Coran, il voit, il est trop en retard. Il dit, rien que lire dans le Moussaf, il n'arrive pas à lire. Dire un mot en arabe, il n'arrive pas à le prononcer. Al-Fatiha, elle dit, pourtant, ça fait des années que je suis musulman. Mais pourquoi j'étais occupé par le football? Ce football m'a empêché de m'approcher d'Allah Azza wa Jal. Il y a des années, j'ai appris quelque chose qui ne me sert à rien aujourd'hui. Je ne sers à rien aujourd'hui. Pour la société en soi, je ne sers à rien. Je ne peux rien apporter au monde, aux jeunes, à la jeunesse. J'ai rien à leur donner pourquoi j'étais pris par le football qui ne sert à rien en fait. On ne construit pas un monde avec du football. On ne réforme pas les gens avec du football. On n'améliore pas notre cœur avec du football. On peut avoir la santé, mais la santé, on peut l'avoir. Tu as des paysans dans leur champ, ils ont plus de santé que des footballeurs. Tout le matin, il se lève au champ, il va cultiver, il fait une activité physique, il devient fort. D'une force qui lui suffit. La santé, pourquoi on l'a? On a pris le verset tout à l'heure. Kul na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis que ma vie, ou plutôt que ma salat, que mon sacrifice, que ma vie et ma mort sont pour Allah. Pas pour le PSG, pas pour l'OM, pas pour Arsenal, pas pour un tel, un tel, un tel, un tel. Donc quand tu vois tout le temps que tu as passé là-dedans et l'énergie que tu as passée, tu te dis, oh, j'ai mis ça. Même la moitié, peut-être même le quart dans le deal, j'aurai un niveau aujourd'hui, mashallah. Mais quand tu vas te rendre compte à ce moment-là, le jour où tu vas vouloir vraiment avancer dans la religion, tu te rends compte de des choses qui t'ont freiné, qui t'ont tiré en arrière. Entre autres, le football. Je parle du football, il y a d'autres sports. Hein. Le MMA, c'est une grosse fitna pour des gens. Tu vois. Quand c'était la Coupe du Monde, les prédicateurs qui parlaient de ça normalement, ils disaient aux gens, hey, délaissez ces choses-là. Elles ne vous apportent rien. Non, les gens, ils font le buzz dessus. En réalité, le footballeur, il faut l'appeler à faire Toba, à se réformer. Quand on dit qu'il était la cause des garments de la jeunesse aujourd'hui. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils vont te désavouer. Aujourd'hui, ils t'aiment, ils t'adulent, certains t'adorent, ils vont tous dire, être contre toi, c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui que j'ai fait ça. Et ton succès que tu as en ce moment, il sera une adversité, contre toi. Ces millions de personnes, voire des milliards, qui t'ont adulé, ils vont tous dire c'est lui, à cause de lui, et c'est lui. Ils vont tellement regretter ce jour-là. Enfin, je dis, prenez conscience aujourd'hui, ce sport-là ne sert à rien. Et tu peux jouer à un niveau modéré pour te faire du bien, pour t'amuser, passer un peu de bon temps, mais pas comme eux vous le montrent et comme eux le font. Non. Donc pour revenir au hadith, c'est une parenthèse, longue parenthèse. Il dit, on s'est arrêté à قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ah non, parlez d'Abu Huraira, afouin. Non, parlez d'Abu Huraira. Donc Abu Huraira, regardez, en 4 ans, qui il est devenu. Avec un temps investi dans l'ilm, c'est ça que le shahid. En 4 ans, qu'il est devenu, et que son nom jusqu'à aujourd'hui, il est cité. Ça fait combien de temps? Plus de 1446 ans lunaires. Et jusqu'à la fin des temps, Abu Huraira sera nommé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la yuhibbu il est mu'min. Wa la yubghidhu il est munafiq. Abu Huraira, seul un croyant l'aime. Seul un croyant l'aime. Si on ne sera pas là dans 1400 ans, on ne sera pas là. Mais on verra si dans 1400 ans, les gens vont parler de Ronaldo encore. J'en doute. On parlera pas de lui. Là, il sera oublié. On lui souhaite d'être guidé, hein. Attention. Et d'une vraie guidée, pas une guidée fashion ou footballeur star musulman. Là, un vrai musulman. Lui ou d'autres, hein, les autres. Hein, c'est pas que là, je le cite lui parce que lui, c'est le plus connu. Je lui dis, je connais rien au football. Même avant l'islam, j'étais pas football, moi. Allah m'a préservé, j'ai jamais été veuf du football, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est facile de parler pour moi, par rapport à d'autres personnes. Peut-être, Allah Alem. Mais pour vous dire, on leur souhaite à tous la guider, que ce soit lui ou d'autres. Mais à l'heure qu'il est là, c'est l'heure du blâme. C'est pas l'heure des belles paroles. Maintenant, on serait devant eux, on leur parlerait gentiment pour les appels à l'islam. D'accord ? Bien sûr. Là, la nasiha, elle n'est pas vraiment pour eux. Ils ne m'écoutent même pas. Pour eux, je n'existe pas. Je parle pour vous et pour ceux qui écoutent. Que cette énergie, il faut la mettre au service du bien. Pour toi en premier lieu, et par la suite pour les autres. Et de prendre les bonnes références. Se référer aux bonnes personnes. Donc ces péchés-là, il faut les éviter. Ce n'est même pas ne pas les faire, c'est s'en les noyer. Toutes les causes qui y mènent. Entre autres, le shirk dont on a déjà parlé, qui est tasfiyat Allah bi ghilillah fima huwa min khasa'isillah. Le fait d'égaliser avec Allah, d'égaliser entre Allah et autre que Allah dans ce qui est propre à Allah. Le sihr, et c'est ça le shahid du hadith. Le sihr qui est parmi les grands péchés, et ce sihr qui est le haqiqi qui se sort de l'islam. Le meurtre, sans droit, mais légitime, et cela est valable, le fait de tuer un musulman ou même un kafir qui est protégé et qui n'est pas en guerre avec toi. Tu n'as pas le droit de le tuer, entre autres ce que font ces gens-là qu'on appelle terroristes, ce qu'ils font c'est interdit par l'islam. D'aller tuer des femmes, enfants, innocents ou autres, ou même des forces de l'ordre des pays de Koufa qui ne sont pas en guerre avec toi, tu n'as pas le droit de le faire. Ni policiers, ni militaires, et encore moins des prêtres ou des rabbins. Tu ne les touches pas. Ces gens-là. D'accord ? Le jour où il y a un vrai combat légiféré, j'achète avec un gouvernement musulman, c'est autre chose. Là, ce que ces gens-là ils font, ce n'est pas un djihad. Ça, c'est du meurtre, de l'assassinat. Et cela salit l'image de l'islam. Cela s'oppose à l'islam. Et cela est parmi les grands péchés. Car l'islam est venu pour protéger la vie. Et la vie ne peut être ôtée que dans certaines circonstances. Précise. Acte riba, de manger l'usure. Car manger l'usure, c'est un péché dans lequel Allah Azzawajal te déclare la guerre. Et si Allah te déclare la guerre, tu n'auras personne pour te sauver. Manger l'argent de l'orphelin, l'yatim. Et c'est qui l'yatim ? C'est qui l'orphelin en islam ? Ouais. À la naissance ? Avant 4 ans. Avant 4 ans. T'es sûr ? Rajoute. T'es sûr ? La puberté. Tout simplement. C'est celui qui a abandonné son père avant d'être pubère. Et la puberté, elle peut avoir lieu à différents âges, ça dépend de la personne. Il y en a, ils l'ont eu à 10 ans, il y en a eu à 11 ans. Maximum, c'est 15 ans. À 15 ans, si t'as aucun signe de puberté qui est apparu, t'es considéré comme étant pubère. D'accord ? Wattawali yom ezzaf. Le fait de battre en retraite le jour de l'affrontement avec les koufars. Sauf dans des stratégies militaires ou pour te rallier à une autre troupe. À me fuir par peur de l'ennemi, ça c'est une chose qui est interdite. Et ça bien sûr c'est dans les règles du djihad qui est un sujet sensible et bien sûr qui, alors qu'il est là, n'est pas appliqué. D'accord ? Ça c'est une chose qui revient avec les gouverneurs. Waqaf fil mursanat al-mu'minat al-ghafilat. Le fait d'accuser des femmes chastes, entre autres les croyantes, qui sont mariés, qui se préservent avec leur époux, qui sont des femmes droites, ou même qui ne sont pas mariées, qui sont des femmes célibataires, mais préservées dans leur coin, qui ne font de mal à personne, et qui n'ont aucun signe de pénétration sur elles, et tu viens te les accuser d'avoir fait le farcha, la turpitude. Ça, c'est très grave. C'est très grave de faire cela, et c'est parmi les péchés destructeurs, et ils appellent ça capitaux. Mais le shahid du hadith, c'est le sihr. Non. يقول فوائد الحديث تحريم الشرك وأنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. L'interdiction du shirk, qui est parmi le plus grand des péchés et le pire des péchés et le plus grand des péchés. على الإطلاق. Dans l'absolu, c'est le plus grand des péchés. ثانيا تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام. L'interdiction du sihr, qui est parmi les grands péchés destructeurs et parmi les annulatifs de l'islam. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق l'interdiction de tuer la la vie sans droit. رابعا جواز قتل النفس اذا كان بحق كالقصاص والردة والزنا بعد إحسان. L'interdiction de tuer, d'ôter la vie sans droit. Parmi les choses qui sont légitimes, par exemple, le talion. Quelqu'un qui a tué délibérément quelqu'un, un musulman, par exemple, il est exécutable. Ou alors celui qui a apostasié. Ou alors celui qui a forniqué après avoir connu le mariage ou qui est marié. Avec les conditions requises, bien sûr. خامسا تحريم الربا وعظيم خطره. Qui montre l'interdiction de l'usure et qui montre la grandeur de son danger. سادسا تحريم الاعتداء على مال الأيتام. L'interdiction de prendre injustement l'argent des orphelins. سابعا تحريم الفرار من الزحف. L'interdiction de fuir le jour du combat. ثامنا تحريم الكذب بالزنا واللواط. L'interdiction de d'accuser une personne, entre autres la femme, en gros, femme chaste, de fornication. Et même le hadith parle de la femme, il est valable pour l'homme. Tu n'accuses pas non plus un homme de fornication. Et ni d'acte de sodomie homosexuelle. Ça ne se fait qu'avec des preuves tangibles. Quelles sont ces preuves? Soit l'aveu. L'aveu. Et là, on parle de personnes chastes. Ouais, quatre témoins oculaires qui ont vu l'acte clair, en même temps. Pas un qui vient, l'autre qui vient une heure après, non. Les quatre, en même temps, ils ont vu la chose. Et ils ont vu l'acte clair, c'est-à-dire la pénétration claire. Soit entre un homme et une femme, ou soit avec un homme et avec un homme. Ou alors l'aveu de la personne. Et quand bien même quelqu'un, par exemple, va dire « J'ai fait zina », un homme va dire « J'ai fait zina avec Fulana », il dit « Moi, je l'ai fait ». On va demander à Fulana « Est-ce que c'est vrai ?» Il va dire « Non, j'ai pas fait ». Lui, il l'a accusé, elle, elle est innocentée. Même s'il la nomme, il dit « J'ai fait avec elle ». Et qu'elle a dit « Non, tu la touches pas ». Ou alors tu amènes quatre témoins. Ah ben lui, il dit « Moi, je l'ai fait, moi, je l'avoue ». Lui, la sentence, il l'a subie. Oui, cool. Ah oui, également, c'est valable pour le mursin. Le mursin, c'est le chaste. C'est-à-dire, c'est le muslim qui montre les signes de droiture. Ah ben, celui qui plonge dans les turpitudes et qui ne se cache pas et qui le montre, là, c'est autre chose. D'accord? Dans son accoutrement, dans sa façon de faire, c'est autre chose. Là, on parle des gens chastes. Il a dit, un akaz vel kafir les sabil mil kaba'ir. Par contre, accuser un kafir de cela, c'est pas parmi les grands péchés. D'accord. Par exemple, tu dis un kafir, l'une, c'est tu dis une fornicatrice, c'est un fornicateur et c'est un kafir. Son honneur, il n'est pas sacré en islam. Le riba sur le kafir, t'as le droit. Par contre, tu mens pas sur lui. Par exemple, si c'est pas un fornicateur, tu peux pas le traiter de fornication. Par contre, tu sais qu'il l'a fait sans avoir quatre témoins ou quoi, tu peux l'accuser. Lui, on le connaît. Ou elle, on la connaît. Par contre, si tu n'as pas vu, t'as pas de preuve. D'accord? Tu vas pas monter sur lui. T'as pas le droit de mentir. Mais, il y a des faits maintenant qui sont autres que ce qu'on demande pour un musulman. Tu peux, sur un kafir, de le dire. Ou un pervers à l'extrême également. Qu'il s'en cache même pas, qu'il même s'en vante. Quand même? Je voulais prendre un troisième hadith, mais bon. Avec Nasiha là sur le football, ça a pris plus de temps que prévu. Donc le shahid à revenir du hadith, c'est le sihr. Car le sihr est forcément impliqué dans le shirk. Akbar. Azaw. Quand même. Fanaktafi bien al-qadr. Fanakul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.